Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée. Quand Josué, rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait, et, prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi s'est mis à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» À la troisième fois, l'arche allait en avant, puis les trompettes, puis toute l'armée en marche, et les petits enfants venaient cracher sur l'arche, et, soufflant dans leurs trompes, imitaient le clairon. Au quatrième jour, bravant les fils d'Aaron, entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille, les femmes s'asseyaient, enfilant leurs quenouilles, et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux. À la cinquième fois, sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent, et leur huée raillait le noir clairon, sonnant sous les nuées. À la sixième fois, sur sa tour de granit, si haute qu'au sommet, l'aigle faisait son nid, si dur que l'éclair l'eût en vain foudroyé, le roi revint, riant à gorge déployée, et cria « Ces Hébreux sont bons musiciens !» Autour du roi joyeux, riaient tous les anciens, qui le soir sont assis au temple et délibèrent. À la septième fois, les murailles tombèrent.